tu m'écoutes pas. Tu restes dans ton petit village, moi. Je te ramène des vrais, des sous, des belles qui minagent. Oh, tu sais, les choses sont limpides. Moi, surtout pas de gagner, ça n'est pas les choses sont limpides. Moi, je me dis, j'ai la vie parfaite, à qui tu la compares. N'oublie pas, je ferai de toi quelqu'un que si tu m'accompagnes. Te ranger, c'est bien trop tôt, ne m'en parle pas pour ta sécu. Je te propose bien mieux que le pare-balles. La relation du cœur, chez nous, on la tapine. T'auras le pouvoir de manipuler toutes les femmes à ta guise. Avec l'oseille, c'est toi le maître. Pas d'accord, c'est qui t'a jeté comme une merde, comme une chienne en bas de ta porte, t'inquiète, toi tout, les bijoux, les parures, la plus grosse écarche, pour ceux qui veulent te rabijoler ta rue. Je vais faire de toi un petit notable, le jour où t'embrasseras la mort, on deviendra sentimental. Pour l'instant, j'ai un petit plan, à l'aube je te fais signe, après je t'envoie kiffer dans un petit sac et toi le Brésil. Par Paris, putain, c'est l'hospice, mets-toi au vert, tout est ouvert, les flics te cherchent, les maîtresses sur une fosse, tu ne règneras pas d'essayer. Demain, dis-moi que tu veux briller, je mettrai la lune entre tes mains. Mais par contre, avant ça, il faut signer le papelard. Tu me donnes ton âme, moi je te sors cette vie de bâtard. Et confiance, trappe de parole à soumoulet. J'ai pas le temps des mecs comme toi, j'en ai 4 millions sous mon aile. Merde, sinon j'irai briser le cœur de ta petite amie. J'empêche les gens de s'aimer, j'ai fait couler le Titanic. Y'a pas de malaise, une option, tu glisses dans la mallette. Prends tes émotions, j'ai pris par la falaise. Tu ne règneras pas d'esprit. J'aime les guerres, l'or, le diams. Dis l'or, le diable que tu touches à tout jusqu'au nouvel ordre mondial. Tu ne règneras pas d'essayer. Si t'es vite, imbécile, ta place est dans les îles. Ouais, faut que tu me vives, ne sois pas indécis. Attends, je t'accorde une volonté plus un désir. Non, tu ne pourras rien cesser. Si t'es vite, imbécile, ta place est dans les îles. Ouais, faut que tu me vives, ne sois pas indécis. J'ai pas le temps, si la vie t'aimait, elle t'aurait déjà fait signe. Dieu vaut régner en enfer qu'être esclave au paradis, c'est ça? Pourquoi pas? J'ai passé mon existence ici, moi je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait, je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme! Je suis un humaniste. Peut-être même le dernier humaniste.